de peu. Cet après-midi, tout ça parce qu'il pleut. Il pleut dans mon cœur, l'eau ruisselle sur tes joues, tes joues. Il pleut comme je pleure la fin de notre amour fou. À cause de la pluie, on s'est manqué de peu, de peu. Cet après-midi, tout ça parce qu'il pleut. Un dernier rendez-vous, je voulais te retenir, tenir. Mais soudain tout est flou, je ne peux plus écrire. À cause de la pluie, on s'est manqué de peu, de peu. Cet après-midi, tout ça parce qu'il pleut. Plus aucun doute, notre histoire est finie. À cause de la pluie, on s'est manqué de peu, de peu. Cet après-midi, tout ça parce qu'il pleut. Cet après-midi, tout ça parce qu'il pleut.